Azasarani dela ni awazakala keni Smara madidita za famet misluva Ditunda ama mina za sivimbna tateli Sana chiberesa kasma no fika no fa Azamakala agyamresa kafe kansu Zane watuzuta va sumar lava vulo Vitano bam tang tambu isa kini atuantu Azamana fa banze ma vitam pul pulo Ena wine, ena wine Ena wine dena vita nana kiana Ena wine Kaza tuna webat manza gale, kaza tuna webat mandele po. Kaza tuna webat manza gale, achuve band rasta man milalo. Kaza tuna webat manza gale, kaza tuna webat mandele po. Kaza tuna webat manza gale, achuve band rasta man milalo. Ekfama mena chana, na itata na tanako. Refasenda tika miaraka amin'ny akama Zatsy nakalaky zatsy nanisola na fiainana daholo zany Ny ao an-tanàna zatsy kopo hoe mahiza ary le mbany Sao de mba tanora tsisy ilay fanahy Papa sy mama manakiana fa sao de simpano avy Zay ne ho aleo lamba manana anapa Ena hoine, ena hoine Ena hoirery anena vita nanakiana Ena hoine, ena hoine Mamana na fitiavana fa sasara ny velany Kaza tuna webat manza gale Kaza tuna webat mandele po Kaza tuna webat manza gale Achuve band rasta man milalo Kaza tuna webat manza gale Kaza tuna webat mandele po Kaza tuna webat manza gale Achuve band rasta man milalo Te, yara malala ne Eno tsikara karanya nana ne Nam papa diya zama diwege Kan mama diya zambola ma diwege Katandem, katandem, katandem Asa mama na ban ban ban rasta lufatandem Desa andive wani tuna na edam le papa no si mama na walura gyalo Fachisa La zen no no La zen no kuf La zen no rasta Du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du Dena wile, ena wile Ena wine, ena wine Mama na naftia vana fasa sarani velania Kaza tuna webat manza gale Kaza tuna webat mandele po Kaza tuna webat manza gale Achuve band rasta man milalo Kaza tuna webat manza gale Kaza tuna webat mandele po Kaza tuna webat manza gale Achuve band rasta man milalo